Le coup de cœur d'Élodie sur la première. Salut à toutes, le CCE est un espace symbolique où les mémoires se croisent, où les savoirs circulent, où les traditions ne s'exposent pas seulement, mais elles se vivent. Notre tradition, notre langue causée, notre histoire, voilà que Sabana y veut valoriser. Le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est un espace de réflexion, de dialogue et de proposition. Mickaël Maillot en est le directeur et quand il parle de la culture, de l'identité réunionnaise, ses yeux brillent. Mickaël, quelle est votre mission principale et comment se déclinent vos actions chaque année ? La première activité, c'est de réfléchir et d'écrire. Mais ce n'est pas suffisant. La gouvernance a estimé qu'il fallait également montrer. Donc, pour montrer, c'est organiser des opérations. On organise des opérations sur des thèmes comme la langue créole. Donc, avec deux concours littéraires. Un concours littéraire prix Daniel Honoré, langue créole, destiné à l'école. Et aux adultes, remise du prix pour les adultes à la journée internationale du créole le 28 octobre. Deuxième opération autour de l'éducation et la langue, le concours d'éloquence en créole réunionnais destiné aux lycéens. Un troisième événement qui est récurrent depuis 3 ans déjà, et ça va être la 4e édition là, c'est un colloque lors de la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Nous sommes en préparation d'un autre événement sur l'audiovisuel et le numérique, donc un fait clair nos images, donc c'est prévu pour le mois d'octobre. Et ce n'est pas tout, parce que ça ne chôme pas dans ce conseil, Mickaël. Il y a 2 ans, le CCE a lancé c'est une étude sur l'agritourisme. Il en est ressorti comme proposition concrète la mise en place de cette filière agritourisme à La Réunion. Et certainement, en fin d'année, nous allons procéder à l'organisation d'une journée d'évaluation de ce qui a été fait pendant ces 2 années sur cette thématique. Le Conseil réfléchit également sur des sujets comme la pérennité de l'activité culturelle à La Réunion, notamment l'aspect financier, la mobilité des jeunes étudiants réunionnais, l'évolution de l'audiovisuel sur notre île, mais aussi comment se loger sur notre département à l'horizon 2050 avec les problématiques liées au changement climatique. Les mots d'ordre sont action, opération et réflexion. À la base, nous servons aux élus régionaux et après, évidemment, nos publications sont ouvertes à l'ensemble du public réunionnais. Et cette année, il y aura la sortie, par exemple, d'un 4e ouvrage sur l'histoire contemporaine de La Réunion. Et là, nous faisons acte d'éducation populaire avec un certain nombre d'auteurs réunionnais. Cette année, la thématique, c'est la terre réunionnaise. Nous proposons des fiches thématiques sur l'histoire contemporaine de La Réunion. Et il y a aussi ce constat que les programmes scolaires ne proposent pas de fiches facilement accessibles. Donc il faut que les pédagogues, de manière générale, fassent leur recherche, montent leur petite fiche pédagogique. Et là, on essaie de proposer, nous, des entrées en matière de fiches pédagogiques qui peuvent être saisies par des enseignants ou des formateurs et qui peuvent être développées avec un public quel qu'il soit. Vous connaissez maintenant à quoi sert le CCEE, Conseil de la culture, de l'éducation et l'environnement. Demain, Mickaël Maillot, le directeur, nous détaillera le programme de la manifestation totalement gratuite qu'ils organisent ce samedi au domaine Moka, avec un thème qui plaira certainement au public réunionnais, le jardin-la-cour.